Je suis la chair, je suis la peau et je suis les os. Je suis la nouvelle manne et l'ancienne pourriture. À quoi te font songer ces étranges concrétions, ces objets de pierre posés sur la table par Serge Claude? Que te disent-ils du monde au dehors? As-tu déjà vu des choses semblables, Gaster? Des pierres de serre, mais sec, comment cela possible? Ce serait pour toi des cœurs d'un cerf? C'est exact. Par cet exact, c'est ce que tu ressens? Dis-moi en plus. Est-ce que ça t'a inquiété, ces cœurs posés sur la table, ou c'est plus l'atout de Serge Claude qui t'a préoccupé? Les deux. Et lorsque tu l'as tenu et que tu as vu cet instrument étrange, qu'as-tu pensé? Je pensais que ces cœurs venaient de ce crâne. Ils auraient appartenu à un cerf, donc. Partages-tu cette opinion, Lalium? Es-tu préoccupé par l'état de santé de Serge Claude ou... Effectivement. Et ben, il ne peut plus être dans... avoir tous ses esprits, plutôt. Est-ce que dans la communauté, d'autres personnes ont eu, par le passé, des atteintes semblables, des toux qui leur prenaient le corps et leur faisaient cracher des glaires sanguinolents? Probablement, mais ça n'a pas été consigné ou pas transmis. Par négligence, probablement. N'empêche qu'il est dangereux. Ce n'est pas probablement, plutôt, pas sa faute. Mais c'est sûrement son état de bûcheron qui l'a fait se mettre autant en danger. Je l'avais dit. Et... cette présence que tu as ressentie en touchant sa main, cette présence qui saluait l'homme du bois, ou lui qui saluait l'homme du bois, tu le sais, les voix étaient distanciées. Qu'est-ce que cela évoque en toi, Nalion? Je ne sais pas trop. Est-ce que tu prends des dispositions particulières pour protéger votre communauté d'un risque sanitaire quelconque que n'aurait pas envisagé le docte Henri Fromage? Actuellement non, mais il faudra que j'en parle avec lui. Est-ce que tu envisagerais... quelque chose de plus radical à l'égard de Serge Claude? Ça a un effet, effectivement. Serais-tu disposé à l'éliminer purement et simplement? Ce n'est clairement pas ma solution favorite, mais... Hermann, ces tempêtes incessantes d'Egrégor, La chute. De tension, les brusques ressauts ont-ils eu une incidence sur ton matériel? Il y a, je ne sais, quelques minutes, quelques heures. De larges perturbations ont endommagé l'appareil, mais il fonctionne étonnamment bien pour alors que l'antenne est à demi brisée. L'antenne tressaute, elle tressaute, mais les messages en sont étonnamment plus clair. Je me demande quelle magie de petit bourgeois a causé ce mal. Est-ce un mal pour toi? Avoir une antenne non conforme, c'est très mauvais. C'est peut-être les premières frappes de l'empreinte et de la dégénérescence. Tout ça, serait-ce une forme d'emprise qui corroderait, altérerait les caractéristiques de ton appareil? Bien. J'ai remarqué qu'il y avait de la rouille près du canal sur lequel je branche le casque du parti et où tout normalement fond. Bien, il y a de la rouille, mais je me demande si, étonnamment, on ferait pas muter nos objets. Pour qu'ils entament une lutte des classes inconsciente contre nous. Les objets entreraient en lutte contre les glaneurs. Et cet objet sur la table, que t'évoque-t-il? Qui avec leurs principes tout. Ils veulent la fin de la révolution permanente, ils veulent la fin du socialisme, ils veulent surtout la fin de la vie. Et tout ce qu'ils veulent, c'est nous éradiquer. C'est sûr. Mais enfin, camarade, devrais-je employer le contenu d'une autre seringue pour notre ami? Camarade, je te défends de faire ça. Il se défend le bougre. Saisissez-le, Nadéon. Avec plaisir. Je le saisis. Vous serez traduit en justice devant les camarades. Je l'aide. Es-tu convaincu par les arguments du docte ou ne ressens-tu pas quelque chose en saisissant Vous vous conduisez comme des ennemis. Comme les ennemis d'un peuple. Non, je ne sens rien de particulier. Je ne sens rien de particulier. Il n'y a pas de lien avec le cœur qui. Les cœurs de pierre qui repose sur la table. Il n'a pas son casque et pourtant il entend. Si. Au contraire, aide le doc. Il a complètement perdu la boule. Tu es convaincu de ton fait. Et toi, comment réagis-tu à cela, jeune bûcheron? J'appelle le chat. Il y en a tellement, mais c'est ça couvre le corps. Il y a plein de puces. C'est ignoble. Non, en ça fait, te répugne pas les puces. En fait, ça court sur ton corps, ça pique ça. En fait, je pense que papa a réintroduit pollen dans la fiction. Je pense. Donc on a fait un commentaire méta, que le commentaire du chat, ça faisait « Viens dans ma cabane, on est bien !» C'est la camionnette devant les écoles primaires. Bref, fin du méta. Que repousses-tu ton ami Rusty ou... Il a parlé de rouille, Eh ? Rust, c'est quoi dans la vieille langue de l'île noyée? Ça veut pas dire rouille? Ton chat, il serait pas le représentant de cette emprise dont parlait Herman tantôt? Vous êtes tous des ennemis du peuple. Du seul peuple. Elle machin qui perd la boule, tais-toi. Avec votre raison. Capitaliste. Vous tentez de me baïonner, l'un des seuls et fiers. Baïonner. Représentant. Baïonner. De. Baïonner. Tu lui mords-tu la main pour libérer. Ah non, je pensais avoir pris un tissu. Quel tissu tu trouverais? Je sais pas. Ton manteau par exemple. T'es baïonné avec ton propre manteau? Il est fermement fermé. Et alors, je peux l'ouvrir? le remonter pour le faire plus haut. C'est un baillon sommaire, mais ça marche. Hein. Tu as la force nécessaire et as-tu la rage pour t'y opposer ? Ton propre manteau. Je vous défends de faire cela. Vous, tu opposes tes tripes à sa viande. Qu'aurais-tu en viande pour damer le pion Je méprise les autres rôles. J'ai aucune vergogne. D'accord. Aurais-tu une autre perle de souvenir qui te permettrait C'est pas un charognard et c'est pas Nîmes. Oh. T'as une perle de souvenir et en toi, fait, tu pourrais... en tripe. Tu pourrais dire que je suis un charognard puisque j'ai... Non pas parce que je vais chercher dans les fouilles. Enfin, parce que je cherchais dans les décombres, non, mais non, que non. Je vous utilise. C'était pas dans ce sens-là, les charognards. Mais tu, mais, non, mais comme le, c'est là, polysémique, on... non, mais là, on du coup, tu peux utiliser c'est cette pas polysémie. Ça, je peux pas l'utiliser. À la limite, non, Nîmes non plus. Je préfère en utiliser qu'une. D'accord. Et toi, en trip, as-tu quelque chose je à lui peux dire que je suis aussi rapide que foudre, ce qui fait que j'arrive à me défendre et limite même. Comme il m'a, entre guillemets, lâché parce qu'il me maintenait jusqu'à présent, maintenant qu'il me maintient et qu'il essaye de me faire remonter, je peux essayer de me dégager. D'accord. Oh oui, il essaie de se dégager, moi je baffe, hein. J'en ai rien à foutre. Je méprise d'autres rôles. J'aide mon ami. Qui est ton ami en pareille circonstance? Et Rusty la rouille ne serait-il pas devenu un Orla? Es-tu prêt à défendre ce souvenir cher qu'est Rusty? C'est exact. Ce que je peux opposer, après, c'est par rapport au nerf, c'est le fait que... Alors, ça va peut-être paraître tout simple, mais je vais expliquer pourquoi. Mon nom est Herman. Qui est Herman? Herman, c'est le grand vainqueur de... Teutoburgerwald, c'est le grand vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il a su adopter une technique de harcèlement, de fuite et de retraite. Utiliser la blanche en os. Alors, tu peux en être convaincu. Pourtant, c'est pas ce qui donnera. T'avais pas dit qu'il y a une mécanique pour les descendre? La mécanique pour les descentes, c'est le fait de créer un nouveau souvenir qui rentre. En absorber, en rentrant en contact avec un objet mémoriel. Il y en a priori un massif sur la table, très, très tentant. Je rentre en contact avec. Je bascule. Oui, non, on finira la résolution. Donc, tu es investi de. Du souvenir d'Herman, le vainqueur. Et de son image d'Épinal. D'accord. Gaster, Forêt te propose de revoir. Ta perle de souvenir, mon chat ou Rusty, mais très attaché, pour la réinterpréter en Rusty est un Orla. Est-ce que tu es d'accord avec cette réinterprétation que te suggère Forêt? Je suis point d'accord, car c'est mon chat et on n'y touche pas. Alors, il faut que tu obtiennes, contrairement à ce que j'ai dit, mais je pensais pas cela lors de la dernière partie, un résultat pair pour te protéger. S'il est impair, c'est Forêt qui l'emporte. Tu obtiens un 3, c'est donc un résultat impair. J'ai dit que c'était mon chat. C'est certes ton chat, tu parles toujours le chat, mais tu es convaincu que ce chat est investi d'une aura de Orla et... Tout à coup, on peut craindre le pire et tu dois maintenant, en tant que joueuse, tu peux jouer sur l'ambivalence, hein, puisque une certaine ambiguïté, puisque tu as parlé chat, tu as plusieurs de tes pertes de souvenirs qui ont trait au chat. D'accord ? Et après, comme on l'évoquait tout à l'heure avec Mathieu, pour son personnage Nalion, on peut faire entrer des souvenirs. Il suffit pour cela de s'approprier les souvenirs contenus dans les objets qui vous entourent. Là, l'objet d'évidence présent sur la table et qui capte l'attention et qui est saturé d'égrégore, ce sont ces cœurs secs, friables, qui sont le corps du peuple d'autrefois. C'est bien cela, Herman ? Pour sûr, il ne peut être là que vérité. Et pour toi, que contiennent ces cœurs ? J'en sais rien, je veux le savoir. Tu veux le savoir ? Et qu'as-tu vu précédemment lorsque tu as tenu le bras de Serge Claude ? Je n'ai rien vu. Tu n'as rien vu, mais tu as ressenti une présence ? Pas vraiment. Pas vraiment ? Et quelle puissance tu vas trouver dans ce cœur ? Je sais pas, peu importe. Peu importe, tu accueilles cette puissance ? Non, mais... Enfin, non et oui. C'est... Si ça ne m'a... Si au premier abord, ça n'a pas l'air d'être des Orla, Nalion l'acceptera sans hésiter. Sans souci, ça aura plus adapté en fait. Faut que j'arrête de dire des trucs méta. Donc, j'interprète. Ah oui, non, mais je te l'ai dit. Je te propose. J'accepte. Sans sourciller, si ça n'a pas. La puissance des cœurs. Et donc c'est un souvenir entrant qui entre en air. Et il faut tout faire. Et je te laisse ce deuxième en viande. Herman est fou. D'accord. Et Herman est fou et par ailleurs tu as. Je méprise toujours les rôles de la communauté en dehors des miens. C'est pas ça le terme exact, c'est je méprise les autres rôles de la communauté des glaneurs. Parfait. Après, justement, ce qui peut me plus satisfaire, c'est vraiment que. Ah, c'est mon personnage. La pulsation des rigors que je ressens, qui est dans mon crâne, c'est celle-là. Il est en train de le changer et que si je l'entends c'est qu'en fait elle me fait pas d'effet, c'est parce qu'elle me fait pas d'effet que j'arrive à l'entendre et que du coup lui il est gagné à l'égrégore et qu'il faut que je fuis parce que il faut pas que je récupère l'égrégore capitaliste qu'il a. Donc les charognards veulent tous nous triper. Nous quoi ? Attends, c'est pas étriper. Nous étriper. C'est pas étriper, t'as mis des L. Étrier. Étrier. L'un comme l'autre valent. Ça veut dire exactement la même chose. À la place. C'est un charognard. Et donc, tu te décoches une méchante droite. Tu te sèches. Mais j'ai trois. Ah, tu en as trois ? Bah oui. Bon, j'ai la pulsation, j'ai mon nom et... Non, il faut que ce soit dans la même ligne. C'est pour ça que j'ai pris un souvenir, pour en avoir. Deux sur la même ligne, même trois si dans le pire des cas avec le charognard. Je suis un opérateur radio, je suis donc utile à la communauté, contrairement à lui, je dois fuir. Alors, je méprise les autres rôles. Oui, mais... Oh, 3-3, punaise, j'en ai marre. Vous êtes à égalité. Ah, si je tue la joueuse à coup de paquet de fans que j'ai trouvé dans le coin, ça passe. Donc... Non, c'est bon, il y aura plus, on va continuer. Ce qui signifie que vous n'avez... Tu n'obtiens pas... Un franc succès, tu décoches une droite qui sèche et te surprend par la puissance qui a investi ton poing, le sang affleure. Tu t'es suffisamment éloigné pour être hors de sa portée désormais. Mais tu saignes du nez, tu dois avoir la cloison nasale déviée. Mais ce sang, mon bon sieur, c'est le sang du peuple qui est opprimé. C'est le capitaliste qui nous écrase. Et puis je cours en même temps quand je dis ça. Non. Et pendant que vous... Le doc fait son office. Voilà, et tu sens une vive douleur sur ta cuisse. À moi, les capitalistes, les bourgeois, les traîtres. En fait, tous se sont ligués. En jeu, ce serait plus. À moi, les bourgeois. Ce n'est pas un effet immédiat, c'est douloureux. Parce que tu tords dans le mouvement à moitié la seringue, mais tu sens d'autant plus la pulsation. Et ce déchaînement de violence, Rusty te regarde de ses yeux jaunes et découvre ses crocs tout aussi sales et jaunes, couverts de ses reliefs de repas. Il y a une haleine méphitique, ça sent le bourbier, le marais. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, parce que nous avons atteint un degré de violence qui ne correspond pas à l'ordinaire de nos amis glaneurs, qui ont été toujours préservés à point défense. Donc l'une des règles de Dégringolade, c'est qu'à l'issue d'une confrontation, il y a une espèce de reflux des souvenirs, on les évacue. Et là, nous allons explorer comment vous les évacuez. En êtes-vous d'accord ? Oui. Cela va consister à répondre et à vous forger de nouveaux souvenirs et expliquer comment le temps s'est écoulé pour vous. C'est une nouvelle scène. Je vous propose que nous situions pas dans le même lieu pour trancher justement. Le temps s'est écoulé. Nous étions arrivés à la fin de presque nuit. Nous étions entrés dans la période de nuit alors que vous tentiez de soigner Serge Claude. Nous avons une série de questions auxquelles nous devons répondre. Et là, nous sommes une main innocente. Une main innocente. Nous sommes deux jours. C'est presque home. Voilà ce que nous a dit le D6 à travers de deux lancers. On fixe le temps dans la journée et ensuite l'heure. Donc c'est presque aube, la brume vous environne et vous allez donc entamer cette scène. Êtes-vous apaisé ? Est-ce que le déchaînement des Grégores de la veille est derrière vous ? Comment être apaisé face à une trahison ? Comment être apaisé face à... l'apparition de tous ces monstres. Le doc a pu lui injecter ce qu'il fallait. J'ai toujours le ressentiment est toujours présent en toi, néanmoins, Herman. Oui, et je continue de voir. Mais pas le souvenir, le concernant sont toujours actifs. Si ça peut répondre à tes questions. Avez-vous faim ? Avez-vous des sentiments précis sur ce qui s'est déroulé depuis ? Est-ce que Rusty est auprès de toi ? Il est parti ? Exact. Et où est-il allé ? Je ne sais pas. Tu n'en sais rien ou tu es convaincu qu'il est parti au cœur du bois? Au cœur du bois. Je pense qu'il est parti au cœur du bois, car il me serinait souvent qu'on devait aller au cœur du bois. Et souhaiterais-tu le retrouver au cœur du bois ou es-tu convaincu qu'il est animé par l'esprit d'Orla? Donc, ce n'est qu'un mauvais souvenir que ce chat famélique est couvert de pouces. Tu as choisi de te libérer de son emprise. Est-ce cela qui te traverse l'esprit? Donc, tu vas morfler. Tu peux parmi tes feuilles, tu peux ôter les feuilles qui te liraient encore à ton ami Rusty. Est-ce que tu es encore convaincu de parler chat ou était-ce simplement l'effet de l'emprise sur Rusty et sa transformation hors-sein, hors-chat qui était à l'œuvre? Je n'ai jamais pu parler au chat. Donc il va... Sans toutes les pensées. C'est à toi-même que tu parlais ou était-ce bien un esprit néfaste qui habitait Rusty? Ça a été toujours un esprit néfaste. Donc il parle à lui. Non, il nous dit que... Ce que je comprends, si tu dis que c'était un esprit néfaste, ça veut dire que... ça confirme que... Rusty est un Orla et que l'esprit néfaste qui a soufflé sur votre maigre communauté, la violence qui s'est déchaînée entre vous, ce ne sont pas les deux cœurs de pierre qui l'ont apporté, mais ce serait l'esprit qui habitait ton chat et que maintenant vous en êtes débarrassé, qu'il faut vous... Peut-être vous faut-il quitter le bois. Ce serait cela. Es-tu triste de ce départ ou es-tu soulagé, Gaster? Je suis soulagé. Nalion, le fait d'avoir sans coup férir pu administrer la dose requise des produits du Doct Henri Fromage t'ont-ils convaincu d'avoir jugulé la folie qui habite Herman? Non, je suis toujours fou, mais il est moins. Ça l'a contraint, ça l'a limité, de ton point de vue ou non? De mon point de vue, il doit me prouver qu'il est fou. Il ne l'a pas encore prouvé, il reste fou. D'accord. Et pour ce qui concerne Serge Claude, qu'est-il advenu de lui? J'en ai pas la moindre idée. Il n'est plus avec vous? Effectivement. J'ai qu'à prier que les autres régulateurs fassent correctement leur travail. Si jamais ils me croisent. Donc tu es convaincu qu'il est devenu un risque pour la communauté des glaneurs? Il y a peu de chances qu'il soit plus un risque. Mais si jamais cela arrive, on n'a pas à s'en faire. Sinon, les régulateurs font leur travail. lumière de ce que tu viens de dire, en crâne, je te propose ce... En crâne, à moins que tu aies... Et quoi ? Est un hors-sein. Soit tu as quelque chose en crâne. Bah oui, je le remplace. Et celui-ci, c'est... C'est un Jean-Claude Contamine. D'accord. Je ne suis pas obligé d'effectuer la mécanique de remontée. Oui, ça se substitue tout à fait. Bah, vu que c'est en rapport, je me disais que de toute façon, ça pourrait se substituer. Est-ce que... La décoction, le produit, le fluide que tu as injecté contre ton gré, le docteur Henri Fromage, ce petit homme grimaçant, a atténué ton ressentiment. Est-ce que le ressentiment est à l'égard de tes pères ou ne serais-tu ou es-tu convaincu de mener une lutte contre l'emprise, comme tu le disais hier? Ou était-ce hier? Était-ce seulement hier? Ce n'était pas hier, c'était plus loin encore. Et... Combien de jours se sont écoulés? Je ne saurais dire. Je ne saurais compter. Je ne saurais que lutter. Ça dépend de cette lutte, c'est la lutte finale. C'est la lutte finale contre... l'emprise capitaliste sur ce monde, l'égrégore et la folie bourgeoise. Je dirais que son nez est un bon indicateur. Quoi ? Ton nez est un bon indicateur de combien de temps s'est écoulé. Donc j'ai foutu une patate dedans, mais que concrètement ça avait limite décalé ta narine. Ah oui, d'accord. En fonction de l'état dans lequel est ton nez, on sait combien de temps s'est écoulé, approximativement. Faudra en parler en fromage. Je pense que, Nalion peut supposer ça. Ah oui, tu penses ça? Enfin, à la base, j'ai d'abord pensé méta, mais je pense que Nalion peut penser ça. Tu as, je te le rappelle, toute autorité sur Nalion. Oui, non, mais j'ai d'abord pensé méta, donc c'est pour ça que je dis, je pense que Nalion peut penser ça. Donc, du coup, il ne sait pas le quantifier. Du coup, désolé, je retourne dans Nalion. Enfin, je décris quand même ses actions à la troisième personne. Il va demander à Henri Fromage, selon lui, combien de temps s'est écoulé depuis l'injection, vu l'état du nez de Jean-Michel. J'ai faim. Est-ce possible d'avoir aussi faim? Et nous n'avons plus de provisions, comment à nous vous faire? C'est pas votre rôle à vous, le régulateur, là hein? Et puis, j'ai mal aux pieds. Est-ce possible d'avoir aussi mal aux pieds que cela? Au lieu de vous plaindre, je vais m'arranger pour qu'on mange. Vous pouvez me dire? Irez-vous chasser? Ça remonte à 2 jours maintenant. Nous devrions être arrivés à cette colline. Hein. 2 jours, merci. Mais incapable de faire le point, Tolibrius. Occupez-vous de cet Tolibrius. Calmez-vous. J'ai les informations. Je suis calme et ce n'est pas un morveux qui va me dicter ma conduite. Comment ça, un morveux? Nalion, veillez sur la plèbe, là. Ouais, tu as envie d'acheter ça, toi. La plèbe. Et après, ça se dit... On s'endort, toi. Il a le droit de parler, hein. Veillez à nous repérer. Vous êtes opérateur radio. Et je n'ai pas ma radio, c'est vous qui l'avez. Donnez-lui sa radio. Je vous la restitue bien volontiers si vous cessez vos élucubrations sans queue ni tête. Donnez-lui il ne s'agit pas d'élucubration sans queue ni tête, il s'agit d'un complot fomenté par les capitalistes que vous êtes. Je suis parti chasser, moi, pour l'instant, là, il me saoule. Enfin, il saoule Nalion. Donnez-lui sa radio. Qu'on en finisse, qu'il arrête de râler. Il te remet... ta radio. Il nous faut recouvrer notre calme, déclare Nikolai. Profitons du lieu. Que chasses-tu alentour? Pardon. Vous avez quitté le bois? Tu chasses des bouchons de bouteilles. Non, j'en ai pas trouvé là. Vous avez quitté le couvent. couvert du bois pour gagner une crête ou es-tu resté... Êtes-vous resté sur les chemins? Non, je sais. Ils chassent des dromadaires. Ah non, limite, comme tu l'as dit, c'est entre guillemets un bruit de crotte, donc entre guillemets, ça voudrait dire que je suis en train de pisser une créature. Oui, mais... Donc, maintenant, on finit cette pause méta nulle, et on retourne au jeu. Donc, plus sérieusement, je cherche dans la forêt parce que je peux très bien trouver des plantes ou toute chose qui se mange. J'ai plus de chances d'en trouver sur la crête. Des champignons? Par exemple, je ferai des moignons champignons? Suffit le méta! Je montrerai Henri Fromage pour avoir son avis sur chacun des trucs que j'aurais ramené, mais. C'est désolé. Donc, parmi tes perles de souvenirs, y en a une qui concerne l'actu. Il y en a deux, précisément. D'accord. Alors, il y a... Je préfère vérifier. En l'occurrence, il y a... Je sais pas qu'il y a des bêtes. Et... ça sent un os. Mais en air, je sais dès que c'est une bête. D'accord. Quelle bête traques-tu, Nalion? La première dont je vois les traces. Et qui est chassable, bien évidemment. Je vais pas m'amuser à chasser un mammouth si jamais je trouve des traces de mammouth. Il y a de nombreuses traces de cervidés. Chasserais-tu un cervidé? Oui. T'embarrasses-tu du jeune bûcheron Non, il m'a pas suivi, il est en train de se battre avec les 12 abrutis. D'accord. J'utilise abrutis pour désigner les personnes, pas pour être innocent. Désolé pour cet acronyme méta que j'aurais dû envoyer sous la gueule. Donc je marche assez seul vu que Gaster est resté avec Herman et Henri Fromage à discuter de l'utilisation de la radio. Non, Nicolas il faisait autre chose. Nicolas il commentait, on était avec eux. J'ai pas entendu faire la voix de Nicolas, c'est pour ça que je ne savais pas s'il était là ou ailleurs. Bah, c'est lui qui a demandé à ce que. Voilà, que les uns et les autres apaisent leur colère. Ah oui, Nalion n'était plus là, donc Nalion ne sait pas où il est. Tu trouves Nalion, donc des traces de d'un passage récent d'une harde. Ça t'évoque le souvenir fugitif du crâne de cervidé que tu avais entreaperçu en saisissant Serge Claude. Effectivement. Est-ce que Serge Claude a disparu de votre horizon ou serait-il possible qu'il soit non loin de là? J'en sais rien, à vrai dire. Sauf si je le vois effectivement, je fiche un peu. Enfin, Nalion s'en fiche. Tu suis les traces, tu penses vaguement à Serge Claude. Tu te souviens de cette phrase alors que le vent chasse les bancs de brume autour de toi. Cette phrase susurrée, murmurée au jour d'hier. Au jour d'hier. Alors que tu étais sans être, que tu étais dans le passé confus des souvenirs de Serge Claude, lorsque tu as saisi son poignet il y a 2 jours, 3 jours, 4 jours, tu ne sais. Une voix lui disait, une voix sourde, distante. Honneur à l'homme du bois. Et lui de répondre, mais n'es-tu pas dans le bois à courir Apprendre à s'arrêter, si. Est-ce que le cerf que tu chasses sera celui qui invoquait l'esprit du bois? Lorsque tu lâches ton trait, tu sais, tu es sûr à bois défense. Allais-tu chasser régulièrement? Non, c'est pas vraiment ce que j'allais faire, mais je savais le faire en cas de besoin. T'es-tu risqué souvent au cœur des bois? Ça m'est arrivé de parfois. Il est étrange que le cerf soit d'un blanc immaculé. Effectivement, donc c'était l'esprit du bois. Retiens-tu ton trait ou... En aucun cas, un cervidé. Ta flèche fuse. Le cerf s'écroule. Tu le dépaisses. Un seul trait. Un seul trait l'a emporté. Il est allé se coucher dans l'eau boueuse. Soit, ouais, j'essaie de ramener le maximum possible. Tu découpes la viande en suffisance pour plusieurs jours. Tu en fais des lanières qui puissent être transportées dans ta besace. Tu laisses une bonne part au corbeau et donc au bois. Dans le pire des cas, on pourra venir le récupérer si jamais on en ressent souvent. Préserves-tu les pièces que tu ne peux emporter? Préserves-tu. Les mets-tu à l'abri? À l'abri des rapaces. J'ai pas pu prendre. Les trois quarts du cerf, c'est immense. J'essaye. Un tiers de ce qui reste, un quart du total, j'essaie de préserver. L'autre moitié, tu le laisses sur la carcasse. Au pire, je viendrai le récupérer plus tard si jamais j'ai la foi. Mais en tout cas, il y a un tiers de ce qui reste, donc un quart du total, que je mets en réserve, à moitié planqué. Tu les préserves sous les feuilles, l'humus sous un buisson, sous des feuilles à proximité. Tu as du mal à ajuster. tromper ta conscience? Qu'est-ce qui pourrait tromper tes talents de chasseur, tes talents de guetteur, tes talents de régulateur? Qu'est-ce qui pourrait échapper à ta vigilance alors que tu étais en train de justement t'assurer? Pardon ? Le cadavre du cerf a-t-il bougé ? Il est immobile. Il est à l'endroit où tu l'as laissé, à quelques centaines de pas de l'endroit que tu as jugé adéquat pour cacher ce que tu souhaitais préserver. Je ne vois pas ce que c'est, donc je rentre au camp. Tu ne vois pas ce que c'est, et alors que tu fais route, que tu as décidé que ce n'était que une lubie... Non, c'est pas forcément une lubie, mais je veux dire, je ne veux pas m'en préoccuper de... C'est une présence différente de celle qui était dans la pièce effondrée où tu avais vu Serge Claude s'emparer du cœur, et pourtant quelque chose est commun. Il y a quelque chose en commun, mais tu n'arrives pas à définir quoi. Tu contemples ce que tu pourrais qualifier d'artefact. C'est un amas de fer, de rouille, tout entier revêtu de liserons qui lui forment et tissent une barbe improbable, des nids étranges sont venus s'installer dans l'amas végétal qui drape. L'amas de ferraille, un amas de ferraille qui se tient de toute sa hauteur de ta propre stature et qui est là, immobile, et qui te contemple de ses yeux morts. Des vers dépolis dans lesquels, derrière lesquels brille une lueur intermittente. Je m'adresse à la chose. Puis-je passer ? Vous pouvez passer, mon enfant, mon fils, mais ne vois-tu pas ton père ? Probablement. Lui qui est sur sa tête sort de grosses mouches aux ailes diaphanes, des mouches poilues, un poil duveteux qui les enrubane. Des pattes molles qui flottent dans les airs, leur trompe s'agite dans l'air et tournoie autour de toi en frétillant, humant de leur trompe les sucs que les portes de ta peau relâchent. Ça a la taille d'un moineau, ces grôles de mouches qui nichent sur ce qu'on doit appeler un robot. Mon fils, me reconnais-tu ? Tout est lié. Les forces de défense doivent tous nous protéger. La pluie, une pluie néfaste nous menace. Mon fils, il faudrait trouver refuge avant qu'elle l'orage n'éclate vraiment. Effectivement. Une suggestion ? Oui, mon refuge est tout proche. Viens, mon fils. Je devais apporter cette nourriture à mes amis. Eh bien, trouvons-les. Soit. D'une démarche mécanique et très peu naturelle, il te suit. Quel est ton matricule, mon fils ? Sous les régulateurs, on a un matricule. vous avez... C'est toi qui peux me répondre. Est-ce que le glaneur se donne des matricules? Lui révèles-tu ton matricule? Je sais pas mon matricule. Je sais pas lequel c'est, mais... Bah, note-toi un matricule. Et c'est un... 39 NFM. Un matricule, c'est forcément des chiffres et des lettres ou que des chiffres? Des chiffres et des lettres. Et c'est un souvenir qui te... Une perle de souvenirs que tu récoltes. 39 NFM. Ah non, mais j'en ai trouvé un autre, Gabriel. J'avais dit que c'était Prescobe. Nous en avions convenu à l'ouverture de la scène, au moment où je vous ai posé les questions sur qui était présent. Le temps s'est écoulé, tu t'es concentré sur ta précieuse radio. Et qu'as-tu entendu? Est-ce que l'onde est encore troublée? Oui. Qu'est-ce qui la trouble? Au-delà du ressentiment qui t'habite, est-ce que tu as la conviction que quelque chose de sombre et de... L'égrégore plane dans la région. L'égrégore plane partout. Elle a décidé de nous agresser. Elle est passée à l'offensive. Elle veut nous écraser. Cette offensive va prendre quelle forme? Elle sape les bases. Prolétariat. Elle sape nos informations, elle essaye de les altérer, mais je vois en quoi elle essaye de tout saper. Je vois ce qu'elle altère, elle rajoute une pulsation qui va impacter certaines ondes, mais je peux les restituer par des calculs relativement simples, ce à quoi je m'attelle. Je te propose, en tant que forêt... L'orage des Grégor est... Nous... Attends... Alors, je te le lis parce que mon écriture est probablement malhabile. L'orage des Grégor est moins dangereux que le déluge. Tu l'acceptes volontiers. Je vous propose que cela soit la conclusion de cette session, si vous en êtes d'accord. Oui. Tu as positionné ton matricule, je veux bien l'entendre. 1-0-A-0. Tu veux que je te les donne ou pas? Vas-y. Alors en décimale, c'est 1 089 551. Bon, et en binaire, je pense que ça va juste vous saouler si je le lis. Oui, on va se contenter. T'as vu la taille du truc? Attends, voilà. C'est quoi ton matricule? 1-0-A-0-0-F. Ce qui donne 1 089 551. Est-ce que ton matricule a éveillé quelque chose dans ce curieux... Je saurais pas te dire. En même temps, il est tellement étrange. Je n'aurais pas su savoir si sa réaction est positive. Enfin, pas positive, mais genre... Je pourrais pas te dire si un illuminement s'est éclairé dans ses yeux, car vu l'assemblage que c'est... limite, ça pourrait s'illuminer tout seul sans aucune raison. Il t'est par trop étrange, tu n'as vu aucun ouvrage. Est-ce que tu lis seulement lorsque tu étais à Point Défense? Est-ce que tu as lu... Oui, j'ai une feuille, je sais lire et écrire. D'accord. Donc tu as lu, tu as parcouru des documents sur... Pour mémoriser les cartes, j'avais pas d'autre choix. Mm-hmm. Et donc, tu as lu beaucoup de documents ayant trait au temps jadis, bien évidemment. C'est de là qu'il a tiré tous ses enseignements bourgeois. Donc, tu auras probablement quelques notions sur les robots du temps jadis. Des bases. C'est comme ça qu'on obtient donc cet artefact. On est toujours dans la phase de jeu. J'ai annoncé l'ellipse finale. Je te laisse prendre connaissance. Ouais, moi je vois ça. Et les lois, je les connaissais, donc c'est pas le souci. Ce que je te propose donc, c'est que lors de la session suivante, sois Enalion. Et le père de Nalion. Enfin, et le père de Nalion que tu viens de rencontrer. Est-ce que ça te convient comme idée? Je peux même te le faire maintenant. Je peux l'écrire là-dedans ou pas? Oui, bien sûr. Ah, je sais pas si c'était prévu pour, c'est pour ça que Si, tu peux, bien sûr. Tu vas le dessiner. Il y a un cri. Bah, je l'ai refilé en fait, c'est pour ça. Ouais. Donc, du coup, alors, vous définissez une spécialité. On verra. Un lien avec les autres personnages. Je pense que le lien se définira au sud de la partie. Mm-hmm. Je trouve ça plus cohérent. Un robot que vous appréciez. Il faudra que je définisse sa spécialité, mais à mon avis, c'est un robot qui l'a croisé lors de cette spécialité. Un humain que vous appréciez. Bon, bah, s'il m'a reconnu, je pense que Nalion, ça paraît évident. Voilà, bah, tu peux. Du coup, je sais dedans, je crois. Oui, bien sûr. C'est fait pour. Oui, on se dépêche. Juste, je préfère faire ça en on, comme ça. Les auditeurs qui suivent cette série, vu qu'il y en a priori, oui, je te taquine là-dessus, voilà, savent ce qui se passe. Alors, donc, un robot que vous appréciez. Pour la blague, je peux mettre mon matricule? Oui. C'est juste pour la blague. Hein. Pas nécessairement. On va jouer là-dessus. Si oui, non, mais... Si je l'ai fait, c'est pour qu'on joue là-dessus, mais... Voilà. Si tu en es d'accord, ça va être un des points qu'on va explorer. Donc... Tu veux bien juste me redécrire une dernière fois le robot? Pour que je fasse sa spécialité? Alors, il est grand... Est-ce qu'il est bipède? Oui, bipède. Ses bras et ses avant-bras, ils ressemblent à quoi? Ils sont... Donc j'ai dit qu'ils étaient... Tout roux, que oui, c'est la rouillé, partie mais ça, c'est rouillé. Sur du temps, mais voilà. À la base. À la base, il a des mains articulées, préhensibles. Elles ont l'air grossières ou vraiment travaillées? Elles sont travaillées. Imagine quelque chose, pour te donner une image qui voisine le château dans le ciel. Oui, mais justement, en fait, j'ai imaginé le château dans le ciel, mais à la base, c'est... Donc le robot qu'on trouve sur le château dans le ciel quand on y est, effectivement. Voilà. Ah oui, non, mais du coup, j'ai envie de leur donner la même fonction. Oh, t'es pas drôle. En vrai... Non. On va rester là-dessus. Ils ont la même fonction. Bah du coup, amusez-vous avec les références de l'éditeur. Hein, et vous deux, si vous vous souvenez du film. Donc, voilà. Bon, toi, je pense que tu t'en doutes, hein, vu que t'as fait la référence. Je peux mettre, au lieu d'écrire la spécialité en noir sur blanc, mettre CF Château dans le ciel? Ouais, oui. Maintenant, Herman, tu sentais cette présence. Oui. Et je t'ai proposé une réinterprétation de Forêt. Pour toi, qu'est-ce qui va advenir dans la suite? Quelles sont les questions auxquelles va être confronté Herman? Qu'est-ce qui pour lui va faire sens? Qu'est-ce qui va advenir de la communauté? La communauté va éclater sous le poids de l'égrégore, mais pas si le prolétariat travaille, le prolétariat produit le labeur qu'il doit produire. Est-ce que Herman continue ou... souhaite toujours aller jusqu'à l'atelier de fabrication du grammotruc, gramophone. Oui, car ceci, c'est le labeur intrinsèque qu'il lui faut accomplir, et c'est aussi la grande guerre patriotique que doivent mener chacun des membres de... la communauté. Quoi, mais il a rien fait là. Alors, au contraire, toi, voilà, Gaster. Pour le coup, moi, la séance. J'ai une question à poser à Gaster. Désolé. Et après, je te donne la parole, Mathieu. On est toujours dans le. C'est l'ellipse finale. Oui, je sais. En trois parties, parce que vous êtes trois joueuses. Donc, Gaster, tu as renoncé donc à retrouver Rusty, parce que Rusty était l'esprit qui soufflait la discorde au sein de la communauté. Que penses-tu qu'il va advenir ? Est-ce que le temps changeant et étrange qui plane sur les lieux qui te sont étrangers va produire quelque chose ? De quoi a peur Gaster ? Qu'est-ce qu'il pense qui va advenir dans les temps qui suivent de votre communauté et de Gaster en particulier ? Moi, je pense que... Rusty, il va devenir un Orla et il va m'en vouloir. Et il va te poursuivre de sa méchanceté ? C'est cela que tu redoutes ? Il va devenir le grand méchant loup. Et il va essayer de nuire à la communauté des glaneurs. C'est cela ? Il va devenir un grand méchant. D'accord. Voilà pour l'ellipse. Maintenant, vous avez la parole. Justement, Xavier, tout à l'heure, quand j'ai essayé d'intervenir pendant l'ellipse, a fait un mouvement indiquant qu'il souhaitait qu'on baisse l'intensité. L'intensité, oui. Effectivement. Je comprends pas pourquoi, Xavier, pour le coup, j'ai trouvé l'intensité faible, voire limite plus faible que ta partie où tu incarnais le personnage de Kara. Et après, là, tout à l'heure... Merci pour cette réponse, Xavier. Tout à l'heure, en plus, c'est quand je jouais mon personnage, pour le coup, et suite à une discussion qu'on a eue la semaine dernière, mon personnage, son agressivité, je l'ai revu à la baisse. J'utilise un autre lexique, je sais pas si vous avez remarqué. Oui, oui. Il y a beaucoup moins de... Il y a moins de notions de traître, qui était une notion très staliniste, mais en revanche, il y a une notion qui est dans notre communisme... Il y a plus de prolétariat. Ça, je c'est pense dans que c'est, mais bon. Prolétariat, c'est les ouvriers. T'as ça dans tous les types. Il y a aussi trop camarades. Oui, non, mais ça, là, dans c'est toi qui râle. Ça, c'est dans tous les milieux de gauche. En train aussi, il y a trop Herman. Plus sérieusement. Il y a le terme de petit bourgeois au lieu de bourgeois. Oui, il y a trop bourgeois. Plus sérieusement, ça se ressent, Gabriel. Et moi, histoire de pas trop monter l'intensité, à la fin de la scène de bagarre, pour éviter que... gêné, j'ai employé la troisième personne au lieu de la première personne. Je sais pas si ça a gêné dans l'immersion. Moi, ça m'a pas gêné. Après, c'est chacun oui, là. Mais justement, là, je suis ouvert au dialogue. Donc, est-ce que ça l'a. Gabriel ? Oui. Non, ça m'a pas gêné. T'es un robot ! Alors, qu'on soit clair, à la base, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Voilà, ta tête a explosé, c'est une bombe. Elle a explosé. Mais donc, en dehors de ça, la partie m'a plu. Je serais tenté de le refaire. Bon, après, là, on n'a pas matériellement le temps. Moi, c'est un peu la période où je suis occupé. Et j'ai trouvé que j'avais un impact sur la fiction, même si sur la dernière partie de la fiction, j'étais peut-être moins là. Mais ça, je pense que ça s'explique plus par la fiction en elle-même, par le fait que j'étais pas... Mon personnage n'était pas forcément mis en avant, et que je pense qu'il fallait pas que je le mette en avant, puisque là, il y avait Mathieu qui avait sa révélation, Xavier qui avait Rusty, et donc je pense... Enfin, moi, il y en avait une, mais elle était, je trouve, de second plan, et qu'il fallait pas que je me rehausse, parce que sinon, je faisais de l'ombre aux autres, et que j'ai souvent eu dans la fiction, dû à un personnage relativement vindicatif, relativement violent, incertain, ascendant sur les autres joueuses, et donc je considère que si j'étais un petit peu absent de la fin de la session, c'était pas parce que j'étais fatigué ou quoi que ce soit, ou parce que je pensais à quelque chose, c'était pas le cas. J'écoutais la fiction C'est que je voulais pas que prendre encore une fois l'ascendant sur les autres, c'est tout. C'est enfin c'est pas c'est juste par rapport à ce qu'on la fiction on a là. C'est pas dire que dans tous les cas à chaque fois c'est moi qui le fais. Non, là c'est juste pour la fiction où on est avec Herman etc. Ou par le fait d'Herman, enfin par le biais d'un personnage beaucoup plus vindicatif et violent, intolérant que la plupart de mes autres personnages. Mm-hmm. Je crois que même c'est l'un des premiers personnages vraiment intolérants que je joue. Mm-hmm. Et qui est pour la censure, etc. Que je joue, enfin je sais pas si je me trompe. Tu as joué des plus violents, plus vindicatifs, mais il y a longtemps. Il y a très longtemps. Voilà. Mais dans Milvaux, ça fait très long. Bah, t'as commencé avec. Quand tu as joué. Des Genesis et Ah oui, avec, des, avec mes Kugel bien trop violents pour ressembler vraiment du Kugel, mais l'idée était le Kugel à la base. Là, c'est vraiment, j'assumais un... Alors, je vais donner la parole à Xavier avant qu'il ne s'endorme. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est toi. Dodo, d'accord, ok, t'es fatigué. Et en dehors de cela, est-ce que la partie t'a plu? Tu réponds. Bonne question. Bonne question. Ça t'a moins plu que Boissol? C'est différent. C'est différent. Ce que j'ai pas trop aimé, c'est et que j'ai eu l'impression qu'on me laissait un peu de côté. Ah, d'accord. Oui, mais pas assez. Et j'avais après, trop envie d'être un rattraper. Robot, moi. Alors, Xavier, Alors, si tu veux être un robot, on verra. Mais j'ai posé des questions ouvertes. T'aurais pu me dire, je te le dis maintenant, mais t'aurais pu me le dire, mais maintenant tu m'as dit d'une autre façon. Quand je te demandais comment Gaster voyait les choses, tu pouvais utiliser, n'oublie pas qu'il y a les Grégor, etc., on peut expliquer plein de choses comme cela. Donc tu aurais pu dire que tu voyais bien, au-delà de la menace que représentait Rusty et l'esprit néfaste qu'il habitait, que... des robots viendraient vous aider. Et des voilà. Anti-robots avec des boutons. Ouais. Alors, et ben voilà. Moi, et pour le coup, ça m'a plu. Au départ, j'étais pas moyennement dedans, mais je partais moins dedans que d'habitude. Mm-hmm. Mais j'étais quand même dedans. Hein. C'est juste, j'étais moins. Ouais, c'est pas non, t'étais plus dedans que nous deux. À la au fin. Début. Je te parle du début, laisse-le moi. Laisse-le parler. Non mais... Puis c'est son senti, tu peux pas oui. Le contrer dessus. Donc, contrairement aux apparences, j'ai répondu à des messages pour le taf, mais j'étais quand même dedans. Mm-hmm. C'est pour ça qu'au début, j'étais moins dedans, mais j'ai quand même réussi à me réintégrer. Et justement, pour à m'impliquer plus, c'est pour ça qu'à un moment, j'ai utilisé la troisième personne. Mm-hmm. Pour bien me détacher. Et visiblement, ça a fonctionné, je n'ai personne, donc je l'utiliserai peut-être davantage à l'avenir. Mm-hmm. Comme tu le sens. C'est toi si jamais choisis. Ça dérange, vous n'hésitez pas à prévenir, hein. Mmh. C'est ouvert. Tu préviens. De toute façon, normalement, ils sont pas censés autant m'emmerder pour le taf les autres fois. Mmh. Enfin, je dis ça et après ils font pire. Le passage sur le robot était très intéressant, même si je m'y attendais pas. Mmh. Ben voilà quoi. D'accord. Et je t'ai dit qu'au prochain épisode, tu auras l'occasion d'avoir des robots. Toi, t'as le logo de GitLab. Cesse de râler. Merci. Mmh.